Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, moi, je vais enchaîner avec un point de vue, une prise de parole un petit peu décalée. Donc, je m'appelle Élise Penalvaïcher, je suis effectivement sociologue, donc je n'ai pas un point de vue d'historien. Même si j'ai essayé de faire une mise en perspective, je vais vous l'expliquer, elle est quand même bien moindre et bien moins riche que celle que Émilien vient de nous présenter. Moi, j'ai pris plein de notes, hein. C'était hyper utile. Donc, je suis sociologue et je suis sociologue de l'économie, ce qui est un petit peu particulier, notamment parce que alors, j'y reviendrai, hein, le secteur public n'est pas complètement absent de l'enquête, mais j'ai quand même un point de vue qui va plutôt regarder les phénomènes qui impactent le secteur public et notamment le monde des cadres et du management. Hein, mais pareil, j'y reviendrai. Et donc, je suis sociologue à l'Université Paris-Dauphine au sein du laboratoire IRISO. Et j'ai donc sorti en mars ce livre qui s'appelle « La frustration salariale, à quoi servent les primes ?» au Sorbonne Université Presse que je vais vous présenter. Avant de le présenter, je voudrais prendre quelques instants rapidement pour construire l'objet et vous dire comment j'en suis arrivée là. Parce que oui, c'est assez spécifique, spécial, voire même un peu bizarroïde, de s'intéresser au salaire quand on est sociologue de l'économie. Peut-être que je suis obsédée par l'argent, c'est une possibilité, je ne sais pas, mais je vais quand même essayer d'objectiver mon cheminement de recherche pour la construction de cet objet de recherche. Moi, j'ai fait, il y a maintenant un moment, je ne dirai pas combien de temps, mais une thèse que j'ai soutenue sur la construction sociale du marché financier de l'investissement socialement responsable. Donc, on est assez loin des salaires, mais c'est par ça que je vais arriver au salaire, je vais vous expliquer. C'est une thèse assez classique à l'époque en sociologie économique, construction sociale des marchés, avec la structuration des marchés dans l'interdépendance des différents types d'acteurs hétérogènes qui construisent ce marché financier assez spécifique parce que il a pour particularité de ne pas sélectionner les actions uniquement sur leur performance financière, mais aussi sur des critères extra-financiers qu'on appelle ESG aujourd'hui, pour environnement, social, gouvernance, et qui viennent, dans la lignée de la RSE, essayer de mesurer l'activité des entreprises du point de vue de l'environnement, du social et de la gouvernance. Donc voilà, ça c'est un peu mon point de départ. Le résultat principal de la thèse, c'est que c'est un marché de l'offre, c'est-à-dire que c'est un marché qui est construit principalement du côté de l'offre, par la propre industrie financière qui va d'ailleurs reprendre la main sur la définition de la qualité des critères sociaux et environnementaux. Ça, c'est pour la petite histoire. Ce qui est important ici, c'est marché de l'offre, c'est-à-dire que j'ai assez peu de demandes et assez peu de clients. Et c'est un reproche qu'on me fait assez régulièrement quand je présente mon travail doctoral, c'est où sont les clients? Et moi, je réponds, en fait, ils sont pas acteurs de la construction de ce marché. Pourquoi ? Parce que ce marché-là, il est largement promu par les pouvoirs publics pour quelque chose d'assez spécifique, qui est l'épargne salariale et aussi l'épargne retraite. Et en fait, notamment un certain nombre de lois vont proposer ce qu'on appelle des PERCO, des PEE, des PEI, qui sont des plans d'épargne entreprises qui ont pris plein de noms différents ces 20 dernières années, mais qui essayent d'instaurer dans les entreprises, sous couvert de socialement responsable, de l'épargne salariale pour les salariés et aussi de l'épargne salariale à des fois assez long terme, qui vient développer le troisième pilier, la retraite par capitalisation, plutôt que la retraite par répartition. Donc quand même à la fin de ma thèse, je suis pas un âne, je vais quand même voir du côté des clients ce qui se passe du côté de... je suis pas un âne, je sais pas, peut-être que je le suis en fait, parce que j'y vais, je vais voir du côté des clients ce qui se passe du côté de l'épargne salariale, à la fois dans les entreprises, du côté des RH qui les mettent en place, du côté des salariés qui les perçoivent. Je vais aussi dans les réseaux bancaires voir alors ces fonds socialement responsables pour les clients individuels, est-ce que ça existe? Et là, d'un commun accord, tout le monde me dit non, ça n'existe pas, c'est pas un sujet. Ça existe dans les faits. Mais les gens qui perçoivent ces plans d'épargne salariale socialement responsables, ils savent même pas ce que c'est, ils savent même pas qu'ils en ont. Et les RH me disent oh, mais alors ce truc-là, c'est compliqué. Hein. Voilà. Et ils savent pas bien, il y a plein en plus de choses très clivante sur l'ISR, où à chaque fois on me dit mais Total est dans les fonds, c'est pas socialement responsable en fait. Alors ça s'explique, moi je l'ai bien expliqué dans la construction sociale de l'offre, notamment dans la construction de la qualité du socialement responsable. Ça peut s'expliquer par des pratiques qui sont des pratiques de financiarisation liées à la diversification des risques. Mais je me retrouve un peu à me dire « Ah, j'avais raison, c'est bien un marché de l'offre, ça n'existe pas du côté de la demande. » Ça, c'est pour mon côté têtu Anne, je mets de côté. Mais quand même, je suis là, dans les entreprises. Et je leur parle épargne salariale, et ils me disent « Au mieux. » Et là, je commence à tirer le fil d'un truc qui me tombe dessus, mais pas par le haut, il va me tomber dessus par le bas, je vais vous expliquer. C'est l'individualisation et la complexification des rémunérations ces 30 à 40 dernières années. Depuis les années 80, pour reprendre un petit peu les périodes d'Emilien tout à l'heure, hein, là ça colle, on a effectivement un grand mouvement d'individualisation et de complexification des salaires. Et ça, c'est un objet que je vais effectivement construire et sur lequel je vais travailler et qui va aboutir à cet ouvrage que je présente devant vous aujourd'hui. Donc voilà, c'est depuis l'ISR vers l'épargne salariale. Je tire ce fil de la complexification des rémunérations. Je vais développer après ce que ça veut dire, hein, mais juste, je voudrais poser quelques éléments en amont. Le premier, c'est que, et là ça rejoint encore une fois l'introduction d'Emilien, c'est que les salaires, c'est pas un objet facile en sociologie. Ça l'est pas en histoire, ça l'est pas en sociologie non plus. Il y a un vrai enjeu disciplinaire à s'intéresser aux salaires. Pourquoi ? C'est plutôt un objet d'économiste. Il y a des difficultés méthodologiques, c'est une variable quantitative. En socio, on a plutôt l'habitude d'avoir des variables qualitatives. Il y a des difficultés théorique aussi, de définition des salaires, il y a des questions liées au rapport salarial. Mais il y a quand même quelques travaux qui viennent aider, mais ils sont assez rares. Ces travaux sont plutôt du côté de la question des inégalités, avec effectivement, il n'est pas sociologue, mais les travaux de Piketty viennent aider. Les travaux de Olivier Gottschau sur les bonus des traders sont aussi assez utiles. Et les deux travaux qui vont bien m'aider vont proposer un peu une révolution dans la manière de construire l'objet salaire en sociologie. Les premiers, c'est un vieil ouvrage de sociologie interactionniste des années 50 américaine autour de William Footwhite, qui est connu pour Street Corner Society, mais qui a aussi écrit avec toute la bande un ouvrage qui s'appelle Money and Motivation et qui s'intéresse aux rémunérations dans les ateliers dans les années 50. Alors on n'est pas encore dans le monde industriel, on est bien dans des ateliers, et qui montre qu'il y a un processus social assez intéressant de freinage des cadences, c'est-à-dire que les ouvriers, ça je vais y revenir en fait, les primes c'est pas l'apanage des cadres historiquement, c'est aussi au cœur du salaire ouvrier, même si aujourd'hui c'est plus le cas, et ça il y a une petite révolution sur laquelle je vais revenir, mais les ouvriers dans ces ateliers sont payés aux cadences, et en fait il y a un phénomène de freinage collectif où quand il y en a un qui va trop vite, les autres lui disent « s'il te plaît, va pas trop vite parce que la productivité elle est collective et donc on a bien un processus social ». Et ça c'est hyper intéressant. Et le deuxième ouvrage hyper important, c'est celui de l'enquête Salsa autour de Christian Baudelot, qui va moi m'aider extrêmement fortement en ce qu'il propose de concevoir les salaires comme des perceptions, aussi pour leur valeur subjective. Entendons-nous bien, surtout en ce moment, les salaires, c'est avant tout un truc hyper matérialiste, on est bien d'accord. Surtout avec le pouvoir d'achat en ce moment. Donc oui, c'est d'abord du solide, du dur. Pour autant, il y a aussi une question de représentation. Ce qu'on perçoit comme salaire, on le construit aussi comme représentation. Pour soi, ce que je touche, mais aussi par rapport aux autres. Donc il y a une dimension relative au salaire qui va être fondamentale et c'est là-dessus que je vais traiter. Donc ça, c'est un point important en termes d'enjeux disciplinaires sur comment, en tant que sociologue, avec le peu de travaux auxquels je peux avoir accès, je peux me débrouiller. Il y a un enjeu social aussi. Effectivement, je pense que pour revenir un peu sur le cadrage historique, il y a un moment charnière, et je ne suis pas historienne, alors je veux bien vos retours aujourd'hui, et une discussion là-dessus, ça m'intéresse beaucoup, mais il y a un moment charnière, à la fin des années 70-80, qui va se dérouler jusqu'aux années 90, où on a la fin des grands collectifs du rapport salarial fordiste, et la fin des grilles indiciaires, enfin pas indiciaires, mais des grilles aux qualifications dans le secteur privé. Et effectivement, on a des politiques néolibérales qui vont venir flouter les échelles de salaire. Je ne dis pas qu'elles n'existent plus, je dis que la perception qu'on en a, parce que les collectifs qui les rendaient légitimes ont été affaiblis, est floutée. On ne sait plus très bien, ni à l'intérieur, ni entre les catégories, comment on peut se situer. Et la dernière difficulté, je vous l'ai dit, c'est que je prends cet objet rémunération par le bas. C'est-à-dire que moi, j'arrive dans les entreprises où on me dit « épargne salariale, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, j'ai une prime de performance, et puis il y a l'intéressement, il y a la participation, et puis je ne trouve pas ça très juste. » Et en fait, on en discute beaucoup à la photocopie et à la machine à café. Et donc, moi, je le prends vraiment par le bas dans ce qui se passe dans les entreprises, par ces discussions à la photocopieuse, plutôt que par les négociations de branches et d'entreprises. Je dis pas du tout que c'est pas important de, et je pense qu'il faut articuler tous ces niveaux de négociation, mais en tous les cas, moi, j'arrive par en dessous. Ça, c'est pour vous dire un petit peu comment je construis l'objet et toutes les difficultés qui sont en fait des prémices de résultats, hein, mais qui commencent un petit peu à se faire voir, à la fois théorique, empirique et en termes d'enjeux. Je suis extrêmement contente d'être là aujourd'hui parce que je pense qu'il y a une vraie plus-value pour moi aussi, hein, je suis très en attente de la discussion. Il y a une vraie plus-value à effectivement faire ce pas de côté par rapport à mon travail du secteur public vers le secteur privé et à faire cette petite mise en perspective qui, chez moi, est un petit peu plus réduite vu que moi, mon point de départ, c'est les années 80. En tout cas, la fin du rapport salarial fordiste, pour le dire de manière un petit peu plus... synthétique. J'ai voulu quand même, avant de vous présenter l'ouvrage, mettre en avant quelques points pour essayer de commencer à nourrir la discussion, planter des graines. Certaines seront stériles, d'autres florissantes, on va voir. Mais planter des graines sur comment mon travail pouvait effectivement venir nourrir une discussion par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur public. Le premier point, c'est que le secteur public n'est pas complètement hors de mon enquête. En fait, je vais vous expliquer, j'ai fait une mixte méthode où j'ai fait des entretiens généraux, après par monographie dans des entreprises et une statistique. Et dans les entretiens généraux, j'ai quelques cadres du secteur public. Mais assez rapidement, ces cadres du secteur public me disent « mais moi, j'ai pas de prime, moi... » Je pense qu'ils en ont par ailleurs, mais ils ne les perçoivent pas comme tels. Et eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment la question du pouvoir d'achat et du niveau de rémunération global. Pas tant des primes. Pourquoi ? Je pense aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement cassé dans la fonction publique. Je dis encore. C'est ce que je dis sur les grands collectifs des Trente Glorieuses du côté du secteur privé. C'est-à-dire que dans la fonction publique, on a encore un corps, un grade, un échelon. Et alors, je ne connais pas très bien toutes les fonctions publiques, mais je connais la mienne, notamment avec les trois éléments de la RIPEC. Et effectivement, on a encore ici l'avancement des choses qui ont à voir avec le corps, le grade et l'échelon. Donc, de ce point de vue-là, ça peut marquer une différence. Maintenant, pas forcément une différence, mais plutôt une similitude. Je pense que dans le secteur public, dans la perception du traitement, on a les mêmes phénomènes que dans la perception du salaire par rapport à soi et par rapport aux autres. Cette dimension relative, elle est là. Et là, dans les résultats, moi, j'ai mis en avant des questions de temporalité. La prime, elle tombe pas tous les mois, elle est pas mensualisée. Ça, c'est important. Des questions de complexification et notamment d'indicateurs quantitatifs de mise au travail qui vont toujours résister au travail et à la légitimation. Ça, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais effectivement, ça va être la question du mérite et de comment est-ce qu'on met en indicateur ce mérite. Et on va voir que et le mérite et l'indicateur peuvent être des choses extrêmement discutées. Donc pour remonter un peu par rapport à cette question de la légitimation par le mérite, il y a quand même quelques éléments que je voudrais éclairer tout de suite et qui me paraissent importants. C'est que dans le monde de la grande entreprise, il y a quand même une espèce de mythe sur le bonus et l'incitation. L'argent, c'est là pour motiver, pour augmenter la productivité. Si les... c'est pas les patrons, c'est les managers, mais les managers touchent aussi des primes. Mais si les gens qui vous donnent votre prime le font, c'est parce qu'ils sont persuadés que ça va vous faire travailler plus et mieux. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Je vais y revenir, je le démontre, je ne suis pas la seule. Mais c'est une idée reçue qui vient de l'importance d'une théorie économique qui s'appelle la théorie de l'agence. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose d'assez pénible. Et cette théorie de l'agence est un modèle qui veut augmenter effectivement le travail par ses primes. C'est d'ailleurs la théorie de l'agence et des incitations. On incite. Et cette théorie de l'agence, même elle dit que ça marche pas, parce qu'elle le prouve dans les modèles, mais dès qu'elle met des données dedans, ça marche pas, c'est étonnant. Mais c'est important, et je pense qu'il y a une influence de cette théorie de l'agence dans la manière dont les dispositifs sont pensés et légitimés. Je pense qu'il y a un beau et vrai travail à faire sur la place de cette théorie dans les études, dans les écoles de commerce, que j'ai pas fait, hein. Mais qui supposerait de lire encore plus de théorie de l'agence que ce que je n'ai fait. Et je ne suis pas sûre d'en être capable physiquement. Mais en tous les cas, effectivement, je pense que ça, c'est un premier point. Il y a aussi cette notion du bonus du trader, hein, qui marche un peu comme un mythe et qui est importante. Ce qu'on peut aussi dire dans cette légitimation par le mérite, c'est que dans les entretiens que j'ai faits, j'ai quand même une adhésion de principe, hein. Les gens le méritent, ils sont pas anti-mérite. Ils se disent, si je suis payé plus parce que je le mérite, moi ça me va. Si les autres sont payés plus parce qu'ils le méritent, moi ça me va. Le problème, c'est pas le discours ou c'est pas la légitimation. Le problème, c'est la mise en pratique, concrètement, dans comment est-ce qu'on définit ce mérite, comment est-ce qu'on trouve des indicateurs. Et là, c'est le drame. Parce que là, autant les gens étaient partants au début pour dire « Oui, moi, je veux bien être payé au mérite. » Sous-entendu, je vais être payé plus. Mais derrière, c'est la catastrophe parce que quand on applique un mérite, il n'y a jamais de principe de légitimité. Ils peuvent être définis de plein de manières différentes en termes de justice. Donc, il y a peu de rejet du principe, mais il y a beaucoup de rejet de la mise en application. Une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons, c'est parce que le travail ne se laisse pas mettre en indicateur. Ça, c'est déjà vrai chez White. L'indicateur de performance, il est réapproprié, contourné par les ouvriers. Pourquoi ? Parce que le travail, il est social, il est fait collectivement, dans des interdépendances, et qu'en plus, effectivement, on peut pas le réduire à des indicateurs, ça ne marche pas. Et le dernier élément sur lequel on peut réfléchir ensemble, c'est que cette individualisation et cette complexification, elles ont mis en place des négociations qui sont beaucoup plus inter-individuelles. Chez les cadres de la grande entreprise, tous les ans, on a l'entretien de job evaluation avec l'enveloppe. Et ça, c'est le N+1 qui le fait, avec qui on a des contacts directs, quotidiens, et qui gère une équipe avec qui on a aussi des contacts. Donc ça crée aussi un autre niveau de négociation qui vient se surajouter au niveau branche, entreprise, etc. Et donc on a des formes d'évaluation par les pairs, et là on peut penser effectivement, je reviens à la RIPEC 3, au rôle du CNU, à l'évaluation par les pairs avec l'objectivation de critères, ça peut être intéressant. Mais on a un rôle d'évaluation par les pairs où un des points importants que je vais développer dans le l'argumentaire de l'ouvrage, c'est la comparaison relationnelle, c'est-à-dire cette dimension relative du salaire, on le perçoit pour soi, mais aussi par rapport aux autres. Bah, quand on n'arrive plus à se savoir où on se situe sur les échelles salariales, on va aller se comparer, et notamment dans des discussions ou dans des évaluations entre pairs qui vont créer pas mal de frustrations sur lesquelles je vais revenir. Alors, l'argumentaire, vais vous proposer un argumentaire en trois points, vous voyez, 1, 2, 3. Mais avant ça, je vais revenir sur la définition du salaire. Comme l'a dit Émilien, ça paraît être un objet, traitement salaire, facile. En fait, c'est hyper difficile à définir. C'est un objet qui est non homogène et qui n'est pas univoque. Et même dans les définitions statistiques, c'est compliqué de saisir les rémunérations. Même dans les grandes enquêtes, c'est compliqué d'avoir des données sur un temps un peu long qui définissent la même chose. Je vous donne un exemple. Les stock options, qui sont bien connues, elles rémunèrent pas du travail, elles rémunèrent des actions, donc du capital, et donc ces rémunérations, normalement, c'est en droit du travail, c'est un contrat de travail, c'est la contrepartie du travail, la rémunération, mais là, c'est pas le travail qu'on récompense, c'est l'association au capital, la participation, pareil, donc ça floute en plus les lignes entre capital et travail, donc c'est vraiment compliqué. Je vous l'ai dit, les salaires sont aussi relatifs et subjectifs, on perçoit pour soi, mais aussi par rapport aux autres. Donc ça, c'est deux points importants pour penser une redéfinition des salaires ou des rémunérations dans un sens un peu large. Aujourd'hui, on peut élargir à traitement. Aujourd'hui, dans le cadre de la discussion, j'entends. Je n'ai pas fait le boulot, mais je serais ravie d'avoir des éléments. Maintenant, je vais vous proposer une argumentation en trois points. Le premier, c'est que cette opinion, cette perception des salaires, donc les salaires pour moi sont aussi des opinions, des variables d'opinion, elle se fait dans un contexte qui est aujourd'hui flouté. Fin du rapport salarial fordiste, des grands collectifs, introduction d'éléments d'individualisation et de complexification dans les rémunérations, primes de performance, bonus des traders, intéressement en participation, article 83, etc., etc., etc. Résultat, les salaires sont pas illisibles, mais ils sont devenus moins lisibles pour les salariés. Les salariés ne savent pas exactement combien ils gagnent. Ça paraît un peu déconnant, mais c'est vrai. Et pour preuve, moi je pensais au début de cette enquête que aller travailler sur les salaires, ça allait être compliqué. Préjugés, prénotions que la France, on parle pas argent, c'est culturel. Pas du tout, pas du tout. Aucune difficulté à trouver des entretiens. Et des gens qui viennent en entretien en me disant « J'ai accepté l'entretien parce que je sais pas très bien combien je gagne. » Et justement, je vous ai ramené ma fiche de paye parce que vous allez m'aider à me dire combien je gagne aujourd'hui. C'est l'occasion de la situation d'enquête et cette occasion-là pour moi. Et d'ailleurs, vous allez me dire si c'est assez ou si c'est pas assez en plus. Oui. Est-ce que la photocopieuse, ils en parlent ? Oui, complètement. Je vais y revenir, mais ça, complètement. Moi, je pense effectivement... Alors, je suis quand même sur une catégorie de salariés assez spécifique, on va pouvoir y revenir, mais oui, ils en parlent. Et ils en parlent pour ça, parce que le contexte, il est flouté. Et donc, j'en arrive à mon deuxième point. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où il y a une demande sociale de plus de transparence salariale. Et cette demande, elle s'exprime à deux niveaux. Elle s'exprime au niveau macro, il y a des lois aujourd'hui pour plus de transparence salariale, il y a des controverses, des débats. Pensez cœur à Patrick Pouyanné qui s'est pris un shitstorm l'année dernière sur Twitter et qui comprenait pas pourquoi, et qui d'ailleurs disait « mais je gagne ça et c'est la plus petite rémunération de toutes les grandes entreprises pétrochimiques mondiales ». Et donc vous voyez bien qu'il faisait ce benchmark par rapport aux autres, il disait « c'est moi le moins bien payé ». Et tout le monde disait « mais chez Total ça va de 1 à... » Genre j'ai plus le chiffre en tête parce que voilà, mais vous voyez, on voit bien les différents registres de légitimation dans la comparaison. Et la question de savoir c'est qui, avec qui on compare, qui va être importante. Et donc, une demande de plus de transparence salariale, directive européenne de transparence salariale, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, index, on pourra y revenir, mais aussi localement, c'est-à-dire les gens viennent à l'entretien, me disent combien je gagne. Ils en parlent à la photocopieuse, ça dépend, alors il y a des catégories de salariés qui sont beaucoup plus équipés pour ça, hein. Les commerciaux sont une catégorie à part, qu'il faut traiter à part, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui s'organisent, je pense à des cabinets de consulting où on me dit, quand c'est justement la journée des rendez-vous de job evaluation et de répartition des enveloppes, on a un tableau dans l'open space avec les indicateurs de plus combien par quelle personne. Ça, c'est quand c'est transparent formellement, mais aussi des gens qui échangent, pas sous le manteau, hein, mais qui se disent les uns les autres. Et on va voir après, d'ailleurs, ça crée des situations assez... ubuesque, notamment en termes d'inégalité entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire que quand les femmes elles s'en rendent compte, là se rendent compte qu'elles sont 30% de moins, et là ça fait un peu bouger les choses. Cette transparence salariale, elle est intéressante dans le sens où elle objective les inégalités. Elle les règle pas, hein, mais elle les objective. Et une fois qu'on les a objectivées, le problème c'est qu'il faut venir les justifier. Et peut-être qu'elles sont justifiables, mais dans beaucoup de situations, et notamment aujourd'hui en termes d'inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes, elles ne le sont plus. Et quand elles ne le sont plus, on est obligé de changer un peu les choses. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, la transparence, elle permet l'objectivation, et ça, c'est intéressant. Et donc, contexte flouté, on ne sait plus très bien combien on gagne. Comme on ne sait plus très bien combien on gagne, on essaye de savoir combien on gagne par la transparence, par les discussions. Et ça nous conduit à faire des comparaisons, ce que je gagne par rapport aux autres, ce que Patrick Pouyanné gagne par rapport au CEO de Shell. Et ces comparaisons relationnelles, moi, je vais les prendre particulièrement autour de discussions, parce que en fait, je suis aussi une spécialiste de ce qu'on appelle l'analyse des réseaux sociaux, qui est une méthodologie spécifique qui permet d'objectiver les relations entre acteurs. Donc, c'est comme ça que je vais aussi traiter ça, mais pas seulement. Et le grand résultat que je vais vous présenter aujourd'hui, mais que j'annonce un peu là tout de suite, c'est que ces primes individuelles, en fait, elles vont plutôt créer de l'insatisfaction. Donc on est loin, hein, de la motivation prônée par la théorie de l'agence. Et je vais vous dire, même quand on en reçoit, comme on va aller se comparer aux voisins, on va dire, mais lui, il a eu, même s'il a eu moins que moi, hein, mais j'estime, parce que j'ai pas le principe de légitimation, j'estime qu'il aurait pas dû, et donc, même si j'ai eu de l'argent, je vais dire, mais j'aurais pas dû, et ça va plus créer de la frustration. Voilà pourquoi j'ai appelé l'ouvrage la frustration salariale. Petite slide de méthodo, hein, je vous l'ai dit, approche mixte pour compter et raconter les salaires. Une approche à la fois quantitative et qualitative, avec en plus l'analyse de réseau, donc qui est la manière de saisir les indicateurs, enfin les relations, c'est ce qu'on appelle la sociométrie de manière un peu vieillotte. Aujourd'hui, on dit plutôt social network analysis, c'est plus classe. Des grandes enquêtes de l'INSEE, l'enquête sur la structure des salaires et le coût de la main d'œuvre, ESS ECMOS, sur 1992. 94, 2006 et 2014 pour la petite mise en perspective qui, pardonnez le moi, n'est pas une mise en perspective d'historienne, mais de sociologue, juste pour saisir un peu le changement depuis la fin du rapport salarial fordiste et l'introduction d'individualisation et de complexification dans ce qu'on appelle maintenant des packages de rémunération. C'est-à-dire, y a du salaire, mais il y a aussi plein de trucs dedans à différents niveaux. Des primes individuelles, des primes d'équipe, des primes de groupe, de l'intéressement au niveau du groupe, etc., etc. 1992, pourquoi ? Parce que c'est la seule enquête ESS dans laquelle j'ai un indicateur, une variable de satisfaction salariale qui va m'être très utile. 94, je l'ai quand même pris parce que, comme le disait Émilien, énorme problème de définition de c'est quoi une prime, c'est quoi de l'intéressement ou de la participation, c'est pas toujours mesuré, donc c'est un peu difficile à mesurer parce que en fonction de l'époque, ça veut pas dire la même chose. Et encore une fois, hein, la prime, aujourd'hui on pense prime des cadres, mais c'était l'apanage du salaire ouvrier dans les années 60-70. Ça c'est pour la partie contexte socio-historique. des monographies, d'abord 37 entretiens avec des cadres du secteur public et privé, privé et public, peu de public mais quand même, donc plutôt pour me dire que pour eux c'est d'ailleurs pas un sujet, donc je laisse assez rapidement tomber parce que je me rends compte que c'est pas là qu'il faut creuser, parce que c'est pas là où les phénomènes que moi je vais saisir sont encore à jour, enfin ils ont pas encore lieu quoi. Et après, je me rends vite compte qu'il faut contextualiser en fonction de l'industrie, du secteur, donc des monographies d'entreprises, une dans la grande distribution et une dans la banque. Une troisième monographie dans un secteur du consulting, où là, j'ai pu faire quelque chose qui est un peu spécifique, qui est un réseau complet. C'est-à-dire, je suis tombée par hasard dans la monographie sur quelqu'un qui me disait « Moi, je travaille dans le consulting, tout le monde en parle, tout le temps. » À nos salaires, on n'est pas du tout prude par rapport à ça. C'est vraiment un sujet de conversation. Et elle me dit, je retrouve les hold-up de Gocho, elle me dit, on en parle, comme ça, ça permet d'ajuster, d'augmenter les salaires en disant, si vous ne m'augmentez pas, je sais qu'à la concurrence, ils payent plus, je vais y aller. Et donc, c'est comme ça, ils appellent ça faire des gaps. Et c'est comme ça qu'ils circulent dans le marché de l'emploi et qu'ils reprennent un peu de pouvoir dans le marché de l'emploi. Pour autant, ces gaps, on le verra, les femmes, elles rattrapent toujours et elles courent toujours derrière et elles n'arrivent jamais à rattraper, en fait. Mais en tous les cas, les discussions sont un outil d'objectivation qui permet à cette... ce mécanisme social de se mettre en place. Donc un réseau complet autour de ce petit groupe de consultants hein, qui forment un peu un tout dans leurs discussions. Et un questionnaire passé auprès de 1195 cadres du secteur privé avec notamment une partie sociométrique, c'est-à-dire une question générateur de noms pour faire du réseau qui est avec qui est-ce que vous discutez de vos rémunérations, on peut dire que vous faites des confidences sur le sujet. Donc ça, j'arrive vraiment à objectiver. Et je reprends donc mon argumentaire. Ma première partie qui va venir traiter de ce brouillage des rémunérations qui a lieu depuis une quarantaine d'années. Ma deuxième partie qui traite de cette demande de transparence salariale avec effectivement l'étude de cas sur ce petit réseau où tout le monde parle à tout le monde de son salaire. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça produit ? Et une deuxième partie plutôt sur aujourd'hui au niveau social, en termes de réglementation, quelles sont les demandes et qu'est-ce qu'on a ? Avec deux grandes thématiques hein, qui reviennent, le problème de la rémunération des dirigeants et le problème de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et la troisième partie, qui va plus être la partie un peu résultat, pour analyser ce phénomène de frustration salariale. Je vous présente rapidement, parce que ça fait déjà un moment que je parle l'ouvrage, mais c'est juste pour vous donner des points. Donc dans cette première partie, le chapitre revient sur l'exercice de définition des rémunérations. Première chose, je montre le bazar des rémunérations. Vraiment, c'est un vrai bazar. Ces packages de rémunérations, il y a plein d'éléments différents. Mais je montre aussi que ces rémunérations, elles sont définies dans des négociations de collectifs de travail qui aujourd'hui descendent de la branche jusqu'à la note de gueule dans la relation interpersonnelle avec son N plus 1. Donc voilà, on a ces différents niveaux qui sont importants. Le chapitre 2, grâce à l'enquête ESS-ECMOS, montre l'évolution des politiques salariales des 30 dernières années. Avec quand même pas mal de choses sur lesquelles il faut revenir. Ces primes, en fait, elles sont pas si récentes. C'est l'usage qu'on en fait aujourd'hui qui est récent. Usage qui se fait plutôt par le haut des entreprises, avec l'influence de cette théorie de l'agence et des incitations, des bonus du trader. Et moi, je pense que j'ai quelques éléments pour le prouver, mais ça mériterait d'être mieux renforcé, c'est qu'effectivement cette théorie de l'agence, ces bonus du trésor, des traders marche un peu comme un mythe et que ça se diffuse du haut des entreprises vers le bas et qu'aujourd'hui effectivement on a cette cascade. Alors, c'est pas le ruissellement hein, mais c'est le ruissellement des primes quoi. On a quand même une généralisation de ces dispositifs, on y a plus recours aujourd'hui dans le privé, mais avec des usages qui sont extrêmement différenciés selon les secteurs, selon le genre. En gros, le salaire est beaucoup plus collectif si vous êtes un homme plus âgé qui travaille dans l'industrie que si vous êtes dans d'autres secteurs. Donc, il y a quand même des poches qui résistent mieux hein, à ce cassage des collectifs, et avec des usages qui sont extrêmement variés, c'est-à-dire que la justification, c'est de dire c'est pour inciter, c'est pour motiver, sauf qu'on s'en sert pour placardiser les plus seniors, pour fidéliser les plus jeunes qu'on ne peut pas payer par ailleurs, et voilà, on va avoir vraiment des usages assez diversifiés. La deuxième partie sur la transparence salariale, donc le chapitre 3 est plutôt un chapitre qui s'intéresse à cette revendication sociale aujourd'hui de transparence salariale, avec les avancées réglementaires autour de la directive européenne et de l'égalité femmes-hommes et du salaire des dirigeants, qui sont pour moi vraiment deux totems. Alors, c'est pas un totem, l'égalité femmes-hommes, c'est une lutte, mais deux choses qui reviennent, il y a une analyse des controverses à faire de ce point de vue-là, je pense par ailleurs, sur les rémunérations. Et le chapitre 4, qui est donc sur ce petit réseau de consultants qui en parlent tous entre eux, que j'ai appelé le CAP logiciel, et où on voit vraiment que ces discussions, elles servent à la gestion des circulations dans le marché du travail, ce qu'ils appellent faire des gaps, mais c'est toujours les hommes qui font les premiers gaps. Hein. Les femmes, elles courent derrière, et résultat, il y a une persistance. Ces discussions, elles sont généralisées, mais elles restent hiérarchisées, ce qui fait qu'il y a une persistance des inégalités. Sur laquelle je vais revenir, la question du genre, elle est importante à ce niveau-là, mais à d'autres niveaux aussi. Et donc la partie 3 sur la frustration salariale, avec 4 chapitres cette fois-ci, 2 chapitres plutôt qualitatifs, le chapitre 5 et le chapitre 6. Le chapitre 5 s'intéresse à l'argent des primes qui déprime. Je montre effectivement la difficile mise en mesure du travail, l'adhésion de principe et les rejets de la mise en pratique. Avec notamment le rôle du manager de proximité qui me paraît important et qu'il faut aussi un peu dédouaner dans cette histoire parce que ces politiques, elles sont décidées en haut et elles descendent, elles ruissellent et le manager de proximité, il n'a pas décidé de donner une prime, mais il est obligé de le faire et il a une enveloppe et il a une équipe et il est obligé d'aller couper des bouts de... De couper les cheveux en 4 souvent pour donner 2,5 à l'un et 1,8 à l'autre, et ça met le bazar dans ses équipes, pas possible. Et lui, il est obligé de justifier, alors qu'il n'a pas envie de justifier, qu'il n'a pas la main sur la politique salariale, qu'il n'a pas la main sur la mise en place des indicateurs, qu'il ne les comprend même pas ou même qu'il les critique par rapport à cela. Et donc, j'ai rencontré des gens qui vraiment... sont de bonne foi hein, et sont bien embêtés avec la mise en place de ces dispositifs parce que c'est sur eux que ça tombe, à la fois en manager de proximité ou chez les RH, et c'est pas eux qui ont décidé ça du tout. Et ce qu'ils décident, c'est « Ah oui, bah, on va mettre des primes, ça incite. » Et puis aussi, il faut bien le dire, ça c'est quelque chose que j'ai pas encore dit, c'est que les primes, c'est de l'argent pas cher. Enfin, c'est de la rémunération pas chère, puisqu'il n'y a pas de cotisation et c'est pas chargé. Et ça, c'est vraiment la fausse bonne idée. C'est-à-dire, je vais augmenter mes salariés par des primes, comme ça, moi, ça me coûtera moins cher. C'est vraiment pas une bonne idée en termes de gestion des équipes, parce que justement, ça va créer de la frustration salariale. Que même si vous versez de l'argent, les salariés ne le percevront pas comme une augmentation de salaire, mais plutôt comme quelque chose qui va venir les frustrer en termes de satisfaction salariale. Dans ce chapitre, autre partie qui est assez intéressante, et là je reviens sur ce que disait Emilien sur la différence entre le pouvoir d'achat et le volume des traitements dans la dépense publique, c'est que j'ai aussi interrogé les gens sur la manière dont ils dépensaient leur rémunération, et notamment leurs primes. Les primes, à quoi ça sert ? Bah, c'est pas versé au même moment dans l'année. C'est pas la mensualisation, et donc on voit que ça va pas, c'est les social monies de Viviane Azélizer, on voit vraiment que ça va servir à des postes de dépenses un peu particuliers qui vont être construits socialement assez différemment. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça bouscule complètement les arrangements entre couples au détriment des femmes. Je vous donne un exemple. Généralement, dans les couples, une forme d'arrangement, ça va être de dire l'homme est un male breadwinner, il va payer les grosses dépenses, les impôts, le loyer, les vacances, et les femmes, elles gèrent le quotidien, la carte Navigo des enfants. Et donc, je rencontre des gens qui sont sur ce modèle-là. Sauf que, en plus là, en l'occurrence, c'est pas des cadres, c'est dans la monographie grande distribution dans lequel j'ai des employés et des ouvriers. C'est une caissière qui touche beaucoup d'intéressement et de participation dans cette entreprise de grande distribution et qui me dit, bah oui, mais c'est des milliers d'euros. Quand je les perçois, C'est tellement important qu'avec mon mari, on en rediscute. C'est-à-dire que ce qu'elle perçoit, elle, normalement, elle a la main dessus dans l'arrangement familial. Mais là, comme on a une exception... Vous m'avez comprise. Ouais. Et une réversibilité aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de l'apercevoir. Eh bien, ça rebat la carte des arrangements. Et au bénéfice de qui ? Bah, bien sûr, du mari. On va racheter une voiture. Voilà, avec cet argent-là. Donc, c'est assez intéressant en termes de dépenses. C'est pour ça, c'est peut-être intéressant aussi de regarder les fonctionnaires, bah, comment est-ce qu'ils dépensent à la fois leur prime, voilà, alors, le RIPEC, alors, disons la PEDR, elle était tous les 4 mois. À quoi ça sert une PEDR, même si aujourd'hui ça n'existe plus pour ceux qui l'ont perçue. Le chapitre 6, là, c'est vraiment une espèce de comptabilité de ces primes qui est difficile. Elles sont difficiles à compter, à dire, à lire. Pourquoi ? Bah, à cause de ces éléments de reversibilité, de temporalité. Aussi parce que des fois, elles sont bloquées. Hein. On a des cas pareils dans la monographie grande distribution où des gens sont en commission de surendettement et ils ont des milliers d'euros bloqués. Mais pourquoi ? Parce que... sur de l'épargne salariale, pardon. Pourquoi ? Parce que le discours de l'entreprise, c'est de dire, bah, c'est de l'argent moins cher. Bloquez-le, il y aura un abonnement et vous ne paierez pas d'impôts, moins cher. Mais en fait, c'est de l'argent qui ne devient plus disponible et dont les gens ont besoin pour vivre. Et c'est la commission de surendettement qui débloque la prime. C'est vraiment des problèmes de comptabilité, de liquidité de l'argent qui ne sont pas pareils. Et aussi avec des usages par les collectifs du travail. La prime, elle va servir effectivement, je repense à William Foutwight et Money and Motivation, elle va servir à des processus sociaux à la fois du côté du management et des équipes. Avec des choses qui peuvent aller du contrôle à la solidarité. Pour la solidarité, du côté des équipes, très clairement, des vendeurs qui sont commissionnés à la vente, une fois qu'ils ont atteint leur objectif, ils balancent sur le collègue à côté pour que lui aussi ait son objectif. Donc il y a vraiment une répartition de la division du travail, on s'arrange entre nous. Le contrôle, une directrice de l'agence bancaire qui me dit « Ah oui, la prime, c'est très bien. Voilà, dans cette relation interpersonnelle, petit cérémonial, on se réunit dans la salle de réunion, qui est aussi la salle de cuisine à côté, et je fais comme les maîtresses d'école, hein, je donne les notes, je distribue les notes à haute voix. Et il y en a une avec qui j'ai des difficultés. D'ailleurs, je ne lui parle plus, j'arrive pas du tout à la manager. Et ce que je fais, on est en conflit, et ce que je fais, c'est je donne les notes à haute voix. Je dis « Vous n'avez pas la prime parce que machinette n'a pas fait ses objectifs. » Et je sors de la salle et je laisse les collègues tomber sur ma chinette pour lui dire qu'il faut qu'elle fasse un petit peu mieux son travail. Contrôle latéral par les pairs. Donc ça, c'est... voilà. Donc on voit qu'on a des usages sociaux qui peuvent être hyper variés en fonction des collectifs. J'ai plein d'autres exemples, mais je vous donne juste ces deux exemples-là. La dernière partie de la partie 3, c'est donc les chapitres 7 et 8, qui là sont vraiment sur les questions de comparaison salariale, où là... je m'intéresse à ces réseaux de discussion et là c'est vraiment de l'analyse de réseau à la fois dans l'enquête ESS. Pourquoi ? Parce que j'ai de une la question de satisfaction salariale et que de deux dans ESS, en fait, il y a plusieurs questionnaires qui sont envoyés aux mêmes entreprises et les répondants dans les entreprises, selon la taille de l'entreprise, peuvent aller de 1 à 24. Donc j'ai un lien supposé entre collègues dans les entreprises et donc j'ai fait des régressions avec des effets d'interaction sur vous percevez une prime en fonction de ce que perçoit votre collègue selon les entreprises. Et ça permet de dire que... ça permet de dire que une prime individuelle, elle peut produire de la satisfaction, mais aussi de l'insatisfaction selon ce que touche le collègue. Ça, c'est un point important. Alors que la prime collective, non. On est toujours satisfait même quand on n'en touche pas. C'est-à-dire qu'en gros, ça revient à ce que Hirschman et Rothschild appelaient l'effet de tunnel et la frustration relative. C'est un phénomène de frustration relative. Voilà pourquoi j'ai appelé le bouquin « Frustration salariale » et pas « Satisfaction » ou « Insatisfaction salariale ». C'est pour cette dimension relative. L'effet de tunnel, c'est vous êtes dans un bouchon et vous avez toujours l'impression que vous êtes dans la file qui avance pas. En fait, c'est parce que vous comparez et c'est pas forcément vrai. Mais ici, c'est pareil. C'est... les primes individuelles, comme vous comparez avec celui d'à côté, vous êtes frustré parce que lui, il en a touché aussi. Et même s'il en a touché moins que vous, vous vous dites, c'est toujours ça que j'aurais pu avancer plus moi. Enfin, vous voyez, vous avez un phénomène de ce genre. Alors que la prime collective, on est toujours content que la situation générale s'arrange. Oh, il n'y a plus de bouchons, le tunnel est évacué. Et voilà, ben ça fait plus de satisfaction. Donc voilà, vraiment un effet délétère des primes individuelles, même quand on en touche, c'est-à-dire même quand on en verse. Hein, ça n'a pas les effets escomptés en termes de motivation. Ça, c'est pour l'enquête ESS, c'est plutôt le chapitre 7. Le chapitre 8, c'est le questionnaire sur les cadres avec les réseaux de discussion. Et là, je montre qu'on a des effets à la fois de structure et de nature des relations. C'est-à-dire, ce qui va compter, c'est le nombre de personnes avec qui vous en parlez, mais aussi la nature des relations des personnes, des contacts avec qui vous en parlez. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bah, que les... Alors j'ai mis « si je ne me compare pas, je suis satisfait », on pourrait le lire à l'envers, hein. On pourrait dire « je suis satisfait », enfin les gens qui sont plutôt satisfaits sont aussi ceux qui ne se comparent pas, ce serait plus correct statistiquement parlant, je fais un peu une causalité interprétative là, j'ai pas de longitudinale. Là il y a 13% des gens qui se comparent pas en fait, qui discutent pas de leur salaire, et ces gens-là sont plutôt satisfaits. Et voilà, c'est plutôt des hommes, plutôt dans l'industrie, plutôt vieux. Par contre, dès qu'on se rentre dans des discussions autour des salaires, dès qu'on se compare, on voit apparaître de l'insatisfaction. Il y a des phénomènes assez spécifiques quand on se compare deux à deux, j'y reviendrai, notamment parce que là, pour le coup, le rôle du conjoint est hyper important et problématique pour les femmes, c'est-à-dire que les hommes peuvent discuter à la fois avec des hommes et des femmes, mais les femmes, elles ont leur conjoint avec qui elles peuvent parler, et après les autres, c'est plutôt des femmes, donc elles n'ont pas de point de comparaison avec les hommes, donc des effets de genre qui sont assez intéressants, et en tout cas qui cumulent les inégalités pour les femmes. Dès que je me compare, l'insatisfaction apparaît, et plus j'ai de relations, plus l'insatisfaction décroît, c'est-à-dire que le pire du pire, c'est quand on se compare à trois, là on est vraiment très insatisfait. Par contre, si on a, je pense, c'est mon hypothèse, plus de possibilités de se comparer, on relativise. Donc, ça va mieux. Alors, ça, c'est une ACM, je passe sur les catégories de réseau, mais je pense que c'est pas... Enfin, c'est dans le livre, de toute façon. Je vous donne envie de lire le livre, bien sûr. Et je voudrais quand même, juste pour poser là quelques règles de comparaison que j'ai mis en avant. La première, c'est la manière dont on opère ces classements. Bah, toujours du supérieur ou égal. C'est-à-dire, je ne compare jamais en dessous. Je vais me comparer à mes pairs ou au-dessus, en mode prévisionnel hein, de ce que je vais devenir, mais jamais en bas. Je me compare pas seulement à des collègues, mais aussi avec la famille, et notamment avec mon conjoint. Donc ça fait aussi sortir le salaire de l'entreprise. Le salaire, il vit ailleurs que dans... Enfin, la perception du salaire, elle se joue aussi ailleurs que dans l'entreprise et aussi dans la famille. Avec des exceptions à ces règles, notamment en termes d'inégalité de genre. On voit, alors j'ai appelé ça « faire les coques et noyer le poisson ». En fait, les femmes, elles racontent ça très bien. Elles disent bah, elles n'ont pas été socialisées aux méthodes un peu agressives de négociation, alors que les hommes, ils savent se mettre en avant, ils savent dire « j'ai fait ci, j'ai fait ça », ils arrivent à négocier leur salaire, ils font les coques. Et elles noient le poisson. C'est-à-dire qu'elles sont payées, mais c'est ce que Catherine Marie appelle de l'euphémisation. Au lieu d'aller se comparer à supérieur ou égal, et ben elles vont aller dire oui, mais en fait je gagne mieux ma vie que les petites qui commencent. D'ailleurs, il y a des phénomènes de mentorat, de sororité avec elles, mais bah ça les fait quand même se comparer par le bas, ce qu'elles sont les seules à faire. Les hommes ils font pas ça, ils comparent toujours en supérieur ou égal. Donc voilà, on retrouve de la rationalisation, de l'euphémisation de situations inégales qui viennent être rationalisées pour de très mauvaises raisons, mais où les femmes, effectivement, se trouvent des raisons d'être payées moins en contrevenant aux règles de la comparaison salariale, et aussi des phénomènes de plafond de verre hein, dans les réseaux féminins. Je parlais du mentorat, c'est-à-dire, pour un homme, c'est plus facile d'avoir une discussion avec son N+1, son N+2, là où les femmes, elles restent bloquées, et ça, ça crée des effets Mathieu de cumul des inégalités pour les femmes. Donc, en conclusion, la frustration, elle vient avec la comparaison, qui elle-même, et ça c'est important, c'est pas parce que je me compare que je suis frustrée. Le phénomène important, c'est l'individualisation et la complexification des salaires. C'est pas la transparence salariale, ça c'est un symptôme. Le problème, il vient de là. C'est l'individualisation et la complexification des salaires, avec ce truc qu'en plus, les primes collectives sont plus satisfaisantes pour les salariés. Autre problème, cette frustration salariale, elle n'est pas linéaire. Vous voyez, c'est dès que je me compare, je suis insatisfait, mais plus je me compare, moindre sera l'insatisfaction, avec en plus des phénomènes à deux ou à trois qui sont un peu différents. Avec des effets de structure des relations, les grands réseaux de discussion n'ont pas les mêmes effets que les petits, et de nature des relations, selon que je discute avec mon conjoint, ça ne va pas être la même chose, et des effets collectifs en termes de circulation sur le marché du travail, de fidélisation, de contrôle ou de solidarité. Je suis désolée, moi aussi, j'ai été beaucoup trop longue. Donc voilà, je vous mets juste le petit comics, mais je m'arrête tout de suite. Je vous laisse le lire.